centre de la disque depuis 2010. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. 3E événements, expériences, émotions. Chambre blanche, jeunes musiciens du monde, Spira, la croisée. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Elle est avant tout masse sonore, nuage de son. Le rendez-vous culturel du mercredi, c'est l'émission Jamais comme tout le monde, animée par Tania Beaumont. De 17h30 à 19h30, en direct du bar Le Sacrilège, Tania reçoit des artistes d'ici et d'ailleurs en entrevue et prestations. Pour moi, la musique, c'est l'art du geste dont le son est la conséquence désirée. Ses collaborateurs proposent des découvertes artistiques et l'équipe promet de ne pas vous laisser partir les mains vides. Parce qu'à CKRL et au Sacrilège, on ne fait jamais rien comme tout le monde. Comme une rumeur lointaine, indéfinissable. Ce soir à l'aérospatiale, les dessous de la fonderie d'art, Christian Bugeau au lieu et des lectures pour connaître Giacometti. Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs. Ici Gentiane Lafrance avec vous ce soir à l'animation de l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec, sur les ondes de CKRL 89.1. Donc, ce soir, nous avons Lauriane Thibodeau qui nous propose une rencontre avec Isabelle Frenette, sculptrice et fondeuse d'art, en compagnie de l'artiste Jean-Robert Drouillard. Et on va partir à la découverte des procédés complexes et minutieux de la fonderie d'art. Ensuite, en entrevue, Christian Bugeau va revenir sur sa résidence au lieu pendant laquelle il a eu l'occasion de réaliser une performance qui a été présentée la semaine dernière. Et en fin d'émission, Andréane Lesage nous fait part de ses lectures sur Alberto Giacometti. Nous aurons de la matière pour vous donner envie d'aller voir cette belle exposition au Musée national des beaux-arts du Québec. Mais pour l'instant, je vous laisse pour une courte pause audio avec un extrait de King Shi, donc qui est un artiste sibérien, Vladimir Zhukov, en fait, King Shi, c'est son nom d'artiste, qui nous fait dans le down-tempo trip-hop musique ambiante, toujours et encore cette semaine, une proposition de Simon Roy. Donc, je vous laisse avec un extrait de la pièce « Walk ». We'll be right back. Alors, j'ai avec moi ici en studio Isabelle Frenette. Bonsoir, Isabelle Frenette. Bonsoir. Lauriane Thibodeau, qui nous a invités tous à venir discuter de fonderie d'art. Bonsoir, Lauriane. Allô, allô. Et Jean-Robert Drouillard, artiste qu'on a déjà reçu quelques fois à l'émission, donc qu'on a invité parce qu'il fait souvent affaire avec Isabelle, donc pour parler un peu de qu'est-ce que c'est la fonderie d'art. Tout à fait. Donc, en petite introduction, il vaut la peine de demander à Isabelle Frenette comment elle se nomme elle-même, c'est-à-dire quel titre elle se donne, parce que c'est une des premières questions que je lui ai posées au téléphone. Mm-hmm. Puis elle me disait, il y a différentes options, dont celle de sculpteur-fondeur. Oui, mais c'est ça. Dans le fond, je suis une technicienne en fonderie d'art. C'est que je maîtrise toutes les étapes de la réalisation d'un bronze, du moulage jusqu'à la patine, en passant par la finition du métal. Ça fait que je suis sculpteur, mouleur, patineuse. Oui, c'est ça. Puis juste pour introduire un peu les auditeurs, en fait, au terme moulage, peut-être premièrement, parce qu'il y a toutes sortes de types de moulage, puis ensuite au terme patine, qui sont quand même des termes intéressants là, pour avoir du visuel un peu de ta pratique, de ton métier. Le moulage, dans le fond, c'est la première étape de la réalisation d'une copie d'une pièce ou pour faire un bronze ou le faire dans un autre matériau. Ça fait que c'est la première étape. Un moulage qui est donc nécessaire, en fait, pour produire une cire, en fait. C'est un mal nécessaire, en oui, quelque oui. sorte. Oui, les étapes de réalisation d'un bronze, c'est on fait le moule. Le moule sert à faire plusieurs exemplaires de la même sculpture. La deuxième étape, c'est dans ce moule-là, on va appliquer de la cire. On reproduit exactement la même sculpture, mais en cire. Après ça, on met les chemins de coulée, qui est le réseau d'alimentation de la sculpture. Qui va acheminer le bronze à la sculpture. Excusez. Donc, à ce moment-là, l'original n'est pas détruit. Là. C'est pour ça qu'on a le moule. Ça. Donc, par exemple, Jean-Robert apporte une sculpture. Souvent, ça va être du bois que tu sculptes, Jean-Robert? Oui, moi, principalement. Oui, donc il y a des gens qui vont apporter un plâtre. Donc, l'objectif de la première étape, c'est d'obtenir une copie conforme sans altérer aucunement l'original, c'est ça? Oui, parce qu'on pourrait couler une sculpture qu'on appelle à modèle perdu. Si la sculpture est déjà en cire, ben là, on pourrait dire, on passe directement au moule de céramique, parce qu'il y a un deuxième moule, le moule qui est capable de recevoir le bronze en fusion. Mais en fait, on pourrait aussi se foutre complètement de parce que tu disais, on détruit pas l'original. Oui. Mais on peut s'en foutre complètement si c'est de la terre glaise, par exemple. Si on fait un buste, puis c'est en terre, on va le mouler pour le faire en bronze. L'original, il n'y a plus besoin de vivre dans ce temps-là. Fait qu'il y a plusieurs possibilités. Ou même une matière combustible, finalement. On pourrait, si Jean-Robert était bien motivé, faisait une sculpture en bois qu'il ne voulait pas conserver par la suite, il pourrait la brûler, donc le bronze remplirait la... C'est plus facile à saisir pour l'auditeur ou quelqu'un qui nous écoute, du papier, par exemple. Ouais, si on fabriquait une boulette en papier, on pourrait la passer directement, le bronze. Vas-y, comme tu as fait tes accessoires, tes chapeaux, ou bien tu as le microphone pour de tes dernières sculptures, là, ils ont été faits en papier. Ça fait qu'à ce moment-là, ils ont pu être coulés à modèle perdu. Mais on ne peut pas couler une grosse sculpture. C'est trop gros. C'est trop gros parce qu'il faut que le bronze qui ait à peu près un 3/16 d'épais. Ça fait que c'est pour ça qu'on fait la cire aussi, là, qui permet de le faire vide à l'intérieur. La cire est comme, c'est un peu comme un chocolat de Pâques, là, c'est vide à l'intérieur. Vide à l'intérieur. Mais justement, déjà dans la discussion, on entend bien le créateur qui comprend, l'artiste ici, Jean-Robert Drouillard, qui comprend certains paramètres techniques, qui jongle donc avec ces paramètres-là. Paramètres qui lui ont, entre autres, été montrés, enseignés par Isabelle, donc une technicienne qui, oui, connaît certaines possibilités. Donc, ça va dans ce sens-là, mais ça peut aller aussi à contresens, c'est-à-dire un artiste qui arrive avec une proposition un peu folle, puis qui demande à Isabelle, ça se ferait-tu? Puis Isabelle de répondre, Oui, mais t'aimeras pas ça. Oui, t'aimeras pas ça. Ou on pourrait, peut-être ouais, que ça va le faire, on pourrait l'essayer. Ça, c'était une blague dans nos cours. Là. Mm-hmm. Ça, c'est la phrase qui revenait des fois. Donc, Isabelle, une technicienne, oui, mais qui a cette ouverture-là aussi de faire affaire avec, pour des artistes qui ont des idées qui possiblement sortent de l'ordinaire, oui. En tout cas, du donc, moins techniquement. Oui, oui, moi, c'est ça, je vais savoir. L'expérimentation dans le médium moulage est quand même possible, mais est-ce que ça arrive que Isabelle, que tu répondes non? C'est impossible? C'est jamais arrivé. Non, c'est ça. Mais là, ça devient vraiment intéressant parce que ça met en lumière le prisme de connaissance qu'un sous-traitant. Donc, si on résume ça grosso modo, un artiste qui a un objectif précis, un mm-hmm. projet précis, qui fait affaire donc avec quelqu'un qui va réaliser une ou certaines des étapes. Mais alors qu'on fait affaire avec son prisme, et donc ce sous-traitant-là, finalement, doit avoir un prisme très, très vaste et doit être ouvert à essayer des choses parce que lui-même, étant créateur, comprenant la réalité d'un créateur, il sait l'importance de l'ambiance d'un objet ou de ce qu'il émane, puis pas nécessairement du premier projet initial. C'est-à-dire que si on saisit bien ce que l'artiste veut, on peut même lui proposer quelque chose de complètement nouveau auquel on avait pas penser nous-mêmes ou que l'artiste n'avait pas pensé. Puis c'est là où je trouve qu'il y a vraiment une chimie qui opère et là, ça devient précieux comme travail, comme expertise. Donc, c'est une collaboration avec les intentions de l'artiste en tête. Ben, du moins, techniquement, peut-être qu'on pourrait utiliser ce terme-là. Moi, je dois avouer que j'ai un petit peu de difficulté avec le terme collaboration, mm-hmm. mais ce serait intéressant justement d'entendre, je pense, Jean-Robert et Isabelle là-dessus. Là. Ben, dans le cas d'aujourd'hui, entre moi et Isabelle, c'est sûr que moi, j'ai pas des trucs complexes à réaliser. Mes trucs sont assez simples à mouler, puis après... Et même que tu fais attention pour pas... Étant donné que le moulage te fait peur un peu, tu vas travailler, en fait, pour simplifier ou tu as tout le temps peur qu'il y ait un petit quelque chose qui complexifie le truc, là? Ben, en fait, c'est parce que c'est pas la place pour en parler, mais moi, je fais tout le plus simplement possible pour aller le plus vite, puis... mais ça, c'est un autre sujet de conversation. Mais moi, en fait, avec Isabelle, notre collaboration, c'est là où moi, je dois y faire peur un peu, puis que parfois, elle doit se sentir en déséquilibre, c'est que j'y fais une... extraordinairement confiance. T'sais, je vais y amener une sculpture, je l'amène chez eux dans son atelier, puis je dis, tiens, puis là, elle fait comme ouais, tu penses-tu qu'on va-tu faire la découpe du moulage autour du cou? Est-ce que tu. Puis là, je fais comme bah, ouais, comme tu veux. C'est toi qui décides. C'est Jean-Robert qui fait sa finition. Mm-hmm. Jean-Robert fait sa finition de ses bronzes. Ça fait que c'est pour que lui soit le plus à l'aise avec la toute avec... dernière étape en ses mains. Donc, Isabelle Frenette, quand on parle de finition, donc on parlait de patine tout à l'heure, mais c'est quoi les étapes de la finition? Donc, on fait le moulage, puis la finition, elle consiste en quoi? La finition, ben, c'est quand le bronze est coulé dans la coquille de céramique, parce que la cire a été trempée dans de la céramique liquide, et après ça, le bronze peut être coulé. La coquille de céramique est détruite, est cassée, et là, il reste le bronze brut. Et comme les pièces de Jean-Robert, ben, c'est des pièces quand même d'une certaine grandeur. Ça fait qu'ils sont coulés en morceaux. Okay, ça fait donc que là, il faut venir refaire l'assemblage en les soudant ensemble et refaire les textures. Ça fait que c'est toute l'étape de ciselure et de polissage. Et la patine, après, c'est vraiment la coloration, la touche finale, où est-ce que là, on va chauffer le bronze à une température que s'il y a une goutte d'eau qui arrive dessus, elle s'évapore de suite. Elle fait un pchit. Puis, selon les couleurs qu'on veut obtenir, on va travailler avec différents acides. Le vert, nitrate de cuivre, rouge. On peut aller avec la nitrate de fer, mais ça va donner un rouge orangé, là. Toutes sortes de couleurs. Donc, ces étapes-là, c'est toi qui les fais, Jean-Robert, dans ton atelier. Donc, tu vas faire l'assemblage des pièces et puis la finition? C'est sûr qu'on pourrait en parler beaucoup, beaucoup. Ce serait long, là. Mais son analogie tout à l'heure sur le chocolat de Pâques, là, pour que le monde comprenne, ça ressemble beaucoup à ça, un moule, un plat. Donc, fait qu'on peut demander à la fonderie, parce que là, ici, il ne faut pas mélanger l'auditeur. Isabelle n'a pas une fonderie dans son atelier. On apporte le produit de son travail à Inverness. Puis il y a des gens qui vont nous couler, transformer donc la cire qu'elle a faite à partir de mes personnages, de mes bonhommes. Fait que cette cire-là va être transformée en bronze. Puis après ça, elle l'a dit, ça arrive en pièces détachées. On peut avoir des chevilles, deux bottes, bon, une tête, puis dans mon cas, un panache, mettons. Puis il faut les réunir. Fait que des fois, ben, c'est un peu réuni, c'est un peu soudé à Inverness. Mais ce brut de fonderie-là me permet de sauver des sous, parce que c'est très, très, très, très, très coûteux. Donc, tout le meulage, tout ce qui est soudure apparente et refaire... Mais chose qu'Isabelle pourrait faire. Mm-hmm. Oui, je le fais. Mais tu sais, elle le fait pour d'autres. C'est juste que moi, dans mon cas, je suis capable de faire ce bout-là, puis je fais ce bout-là. Puis c'est pour ça que, dans mon cas, c'est mon travail avec Isabelle. Puis le fait qu'Inverness me permette de l'avoir en brut de fonderie, c'est-à-dire qu'il y a tous les défauts, il y a encore des bouts de chemin de coulée qui sortent de certains endroits. Parce que on accepte de travailler comme ça avec moi, ben je peux produire plus de personnages. C'est comme... On a fait trois personnages à Beauport d'adolescents, grandeur nature, en aluminium cet été. Puis avec les budgets qu'on a, ça arrive parfois qu'il y a des artistes qui me disent comment tu fais pour en faire trois quand il y a du budget pour un. Ça. C'est qu'on donne pas tout l'argent aux fonderies, puis on passe par d'autres chemins pour arriver à nos fins. Là. Puis ça met justement, à mon humble avis, en lumière pour les auditeurs ou les gens sûrement qui sont moins dans le milieu des arts visuels comme nous on l'est, qu'avec le prix, par exemple, d'une œuvre d'art public comme celle dont on parle au Parc de Beauport, bien, il y a le travail non seulement de conception de l'artiste, toute la préparation, toute l'installation. Puis oui, il y a tout le travail aussi de sous-traitance. Donc, j'appelle ça très, très humblement sous-traitance, là, mais donc tout le travail d'autres spécialistes nécessaires pour réaliser une œuvre comme ça. Puis c'est intéressant, je trouve, d'avoir Jean-Robert Drouillard ici avec nous parce que, pour situer les gens, ceux qui ne connaissent pas ton travail, donc t'as deux pratiques légèrement similaires, donc la musique et les arts visuels, deux formes d'expression que je désirais. Tu peux juste parler de ce que tu veux. Non, mais les gens qui entendront parler de juste Robert pourront faire les liens. Mais donc, dans ta pratique en arts visuels, t'es très attaché quand même au faire, donc au savoir-faire aussi. Au principe. Bon, évidemment, tu viens des métiers d'art, tout ça, mais c'est intéressant que toi-même, qui aimes donc faire dans ton propre atelier, tes personnages notamment, tu fasses affaire avec quelqu'un d'autre. Ça démontre que même quelqu'un qui s'intéresse au savoir-faire et qui les exploite depuis des années a besoin aussi parfois ou a envie de faire affaire avec des pros. Puis ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Mais je pense que tu l'as dit un petit peu, je m'intéresse au savoir-faire. Puis pour être très franc, tu sais, le moulage qu'Isabelle fait, je le comprends. Puis probablement que si j'étais comme crinqué ou moins entrepreneur, j'aurais voulu les faire, mes premiers, là, en 2009-2008. J'aurais fait mes premiers moules, puis j'aurais été à la recherche de l'élastomère. Puis... Mais tout de suite, je me suis dit que c'était plus facile d'éléguer ça ou de mettre ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Fait que ça, c'est mieux fait, ça va plus vite. Oui, c'est ça. Pendant ce temps-là, je fais d'autres choses. Oui, il y a une expertise aussi. Là, Isabelle Frenette, tu fais des contrats pour de nombreux artistes au Québec, j'imagine. On parlait d'art public tout à l'heure. J'imagine que tu fais beaucoup d'art public aussi. J'en fais un peu plus maintenant, depuis que je suis entourée de la Maison des métiers d'art et d'artistes comme Jean-Robert, parce que ça... Il y a une belle dynamique, puis ça bouge avec Ludovic il va m'appeler pour faire des patines. Marc-Antoine aussi. Là, je vais travailler avec le collectif Pierre et Marie, puis Céline et Jean-Guy White. Mais quand je travaillais à la fonderie, ben là, les monuments qu'il y a au Parlement, justement, c'est moi qui avais fait le moule à l'époque que je travaillais là, ou la patine. Mais tu sais, des choses, je m'excuse si je vous interromps, mais des trucs qu'on soupçonne pas, puis je sais pas si vous l'avez mis sur la page Facebook, Mais sur nos Facebook aujourd'hui, on montrait un film où Isabelle travaille sur des riopelles. Donc, oui. Oui, oui, je l'ai partagé au début. Des riopelles que les mains de Riompelle ont fabriquées il y a des décennies. Oui. Puis elle a la commande de mouler ces choses-là. Ça a été mon premier gros contrat que j'ai eu en tant que travailleuse autonome. Là. Ouais, mais complexe là, complexe. Parce que c'est complexe. Oui, c'est ça. Ben, parce que c'est riopelle. Ben, complexe, c'est long. Gros. Oui, il a fallu. J'ai travaillé là-dessus pendant un an, mais j'avais pas le droit d'en parler. Oui, ça c'est vraiment intéressant. Puis pourquoi t'avais pas le droit d'en parler, juste pour expliquer aux auditeurs? Parce qu'il y avait un lancement. C'était la succession riopelle qui m'avait passé la commande. Puis il y avait un lancement. Puis c'était pour garder le le suspense. Le suspense, le punch. Là, puis, c'est ça. Donc, sous ce petit secret, je vous propose une petite pause audio. Et puis, on replonge dans cette discussion au retour de la pause. Donc, on va écouter un extrait de Circle, toujours de King Chi. De retour en onde avec Isabelle Frenette, fondeur et sculpteur, Jean-Robert Drouillard, sculpteur, et Lauriane Thibaudeau, notre super chroniqueuse, qui nous a proposé cette rencontre. On parle de fonderie d'art. Donc, Lauriane, c'était quoi ta prochaine question? Ma prochaine question, c'était... je trouve qu'on a parlé beaucoup d'art public, ce qui est tout à fait intéressant. Mais je veux aussi mettre en lumière les projets plus petits dont Jean-Robert, justement, fait affaire avec Isabelle pour de plus petits personnages, par exemple, de plus petites sculptures qu'on peut voir. Donc, simplement pour expliquer aux gens, donc, tu fais, oui, de l'art public, tu fais, oui, de la musique, mais tu fais aussi d'autres... Je fais des expos. Fait que c'est ce qu'on se disait pendant la pause musicale, c'est que présentement j'ai une exposition quand même assez importante, importante dans le sens qu'il y a beaucoup d'œuvres chez Armure à Montréal. Puis ce que je disais, c'est qu'un des moules que Isabelle m'a fait dans le cadre d'un projet d'art public, mais moi j'ai repris le moule, puis j'ai recoulé 7 fois des personnages en plâtre, tu sais, assez garage, assez tout croche, là. Mais c'est son moule que j'utilise comme outil pour me déployer, puis là j'ai transformé les personnages qui donnent 7 propositions complètement différentes. Et... Donc à ce moment-là, tu arrives avec un résultat dans quel médium, dans quelle matière pour les retransformer après? En plâtre, mais avec des cocottes de pain, puis l'autre il y a des cerfs de chevreuil, l'autre il y a des cornes de bœuf. Mais c'est, écoute, il y a du monde qui va dans la galerie puis se rendent pas compte que c'est cette fois le même personnage, parce que moi j'ai juste transformé le haut, mais ça reste que si j'avais pas le moule, voilà. Donc finalement c'est avec cet objet-là, moule, que t'es venu ces idées-là, c'est-à-dire que ça t'a donné envie de répéter, entre guillemets, une même forme dérivée. Pour la petite histoire, c'est que je déménageais d'atelier et de maison, puis que j'étais méga dans le chute, puis j'avais des moules, puis je me suis dit, garde, ça c'est quelque chose qui peut être utilisé rapidement, puis après j'improvisais et je bricolais des têtes à mes personnages, ce que j'avais pas fait depuis 15 ans ou le temps que j'étais à l'école il y a 20 ans. Là, fait que je pouvais pour la première fois recommencer à bricoler au lieu d'être dans ma logique de fait le personnage en bois, tout bien fait. Là. Fait qu'il y avait une part de bordel. C'est toujours fascinant de découvrir le côté pratico-pratique qui vont... Qui conduit certaines décisions chez certains artistes. Ça enlèvera un peu de poésie. Donc, on va garder le suspense là-dessus. Non, mais c'est ça. C'est la preuve qu'on est dans... C'est ça, qu'on est dans la création. Ouais. Puis Isabelle, pour parler un peu de ton, ce que je disais hors d'onde, de ton type de cerveau, c'est-à-dire un cerveau qui adore expérimenter, t'as fait et tu fais encore plein d'expérimentations en tant que créatrice, là, toi. Donc, il y a le papier, entre autres. Oui, le papier. J'avais justement réutilisé un vieux moule. Toi aussi? Oui. Je l'ai fait plusieurs fois, même des fois tremper un tissu dans de la cire, puis venir l'étamper dans le moule. Ça donne une texture, puis après ça, jouer avec la cire et le tissu dans avec la chaleur, déformer, ça donne vraiment quelque chose d'intéressant. Mais le papier, c'est ça, j'ai appliqué du... je me suis fait une pâte à papier dans le blender chez nous, puis j'ai appliqué ça dans un moule, c'est une tête de lynx. Puis ça, je me suis bien amusée avec le pour créer les yeux aussi. Qui sont en résine, c'est pas le monde pense que j'ai acheté les yeux puis je suis un taxidermiste là. Mais toutes ces recherches là veulent pas nourrissent ton bagage technique puis font en sorte que t'es donc une personne aux multiples facettes quand on communique avec toi pour un projet. D'ailleurs, faut le souligner là, tu réponds, les gens peuvent communiquer avec toi, les artistes par exemple de Québec ou même d'ailleurs peuvent communiquer avec toi pour avoir des conseils techniques. Puis toi, tu peux voir jusqu'où tu t'investis dans leurs besoins ou dans ces conseils-là. Des fois, quand ils ont des conseils, ils ont besoin de conseils, ça arrive souvent qu'ils m'appellent. Puis des fois, le projet aboutit, d'autres fois, non. Mais c'est la réalité. Donc, puis on a mis les liens sur nos pages, page Facebook. Oui, des vidéos. Donc, on peut découvrir ou redécouvrir le travail d'Isabelle Frenette et de Jean-Robert Drouillard sur notre site Internet. Donc, Jean-Robert, on te suit à Armure. Donc, on va faire un tour à ton exposition. C'est en ce moment, c'est ça? Oui, ça finit le 24 février. OK, jusqu'au 24 février pour aller voir l'exposition. Donc, je vous remercie d'être venu en studio pour discuter de Fonderie d'art. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci à toi. Merci. 13 février, journée mondiale de la radio. Les ondes vont s'envoler jusqu'à vous. World Radio Day. Tous les vendredis, après la semaine du travail, écoutez CKRL pour une soirée toute musicale. Découvrez et redécouvrez des musiques de styles variés. Jazz, funk, blues et metal. Les vendredis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Le mois multi, salle 10, c'est un mois d'art multi. Audacieux, immersif, inspirant et pour tous les âges. Le mois multi, c'est plus de 24 jours de festivités regroupant 50 artistes de 7 pays. C'est 20 spectacles et performances hors du commun, 12 installations technologiques gratuites et 4 nuits endiablées à la cuisine. Prépare-toi Québec, le mois multi éveille tes sens du 2 au 25 février. www.moimulti.org. Alors, de retour à l'aérospatiale, toujours Gentiane avec vous au micro. Et à l'autre bout du fil, nous avons Christian Bugeaud. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Christian Bugeaud, j'avais envie de parler avec toi de ce projet « Habiter ses propres centres » que tu as présenté au lieu. C'est une résidence c'est une résidence qui s'est faite en trois étapes, si on peut dire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces trois étapes qui ont constitué cette résidence au lieu? Oui, j'ai été invité au lieu pour une période d'environ trois semaines et demie. Et les trois étapes étaient les suivantes. La première, j'allais habiter chez des gens, des inconnus à leur insu. Pas à leur insu, c'est-à-dire, mais j'allais habiter chez des inconnus que j'avais jamais rencontrés avant. Et puis, c'est ça, j'allais rester un moment chez eux pour faire des observations, pour voir un peu comment ils organisaient leur vie, leur maison, leur espace domestique. Donc, on rentrait en contact via une personne interposée. Donc, c'est des gens qui, au moment où j'allais chez eux, on n'était jamais rentrés en contact ensemble, c'est ce que je voulais dire. Et ça me servait à recueillir du matériel, des observations, des photos, des ambiances, des endroits domestiques où les gens habitent. Par la suite, ce matériel-là, je le ramenais en galerie, au lieu, et ça devenait un peu mon atelier où je travaillais cette matière-là. Et par la suite, il y avait la création d'une performance là, qui a eu lieu la semaine dernière. Oui, jeudi dernier. Oui, c'est ça. Et les résidus, si on veut, les traces de cette performance sont encore au lieu. On peut aller visiter cette exposition-là jusqu'à dimanche. Quand tu parles de matériel d'observation que tu es allé recueillir chez ces inconnus, dans ces habitats domestiques, quels sont les éléments qui t'ont le plus inspiré pour ta performance? Ça dépend vraiment des appartements ou des logements que j'ai visités. J'en ai visité quatre. Quelque chose qui est frappant tout de suite, c'est les odeurs. Faut dire que c'était des gens qui faisaient le ménage. C'était très propre. Et donc, il y avait cette odeur de propreté qui est propre à certaines personnes. Oui, puis quand on prête notre appartement à un inconnu comme ça, j'imagine qu'on veut qu'il soit propre aussi. Forcément, oui. Forcément, je suppose. Alors, voilà. Et donc, les odeurs, ça a été marquant. Certains meubles, je trouvais les chambres à coucher intéressantes aussi parce que c'est un endroit qui est très, très privé aussi. Donc, on peut inviter chez quelqu'un dans le salon, dans la cuisine, mais la chambre à coucher reste un endroit qui est un peu comme un sanctuaire. Donc, c'est des endroits qui m'intéressaient beaucoup. Les sous-sols, les endroits auxquels on n'a pas accès nécessairement d'habitude quand on est invité chez quelqu'un. Donc, ça a été assez frappant. Donc, il y a toutes sortes de belles observations qui ont pu être faites dans ces lieux-là. Donc, c'est vraiment d'aller vivre ces expériences-là et de pouvoir les rapporter avec soi? Oui, via des photos, des notes. Des impressions, des ambiances. Donc, je veux dire, grosso modo, c'était pas très compliqué. C'est-à-dire, on avait une entente j'avais une entente quand même avec ces gens-là. Bon, j'allais pas ouvrir les tiroirs puis regarder leurs vêtements et puis juger non plus leur lecture, etc. C'était pas ça l'objectif. Mais c'était vraiment plutôt de comprendre une ambiance. D'essayer de voir comment est-ce que l'espace domestique se retrouve être le reflet des gens qui l'habitent en quelque sorte. Et puis comment ça pouvait affecter le fait que je sois là pouvait transformer ça en quelque sorte. Donc des notes, des photos, des dessins, des observations qui ont été rapportées en galerie par la suite, transformées soit en objet ou en action pour la performance. Et puis durant toute la période qui s'en est suivie, ben l'espace à tous les jours se transformait beaucoup. Donc j'allais acheter des meubles, je transformais des matériaux, j'imprimais des photos. changeait des éléments de place. Donc, ça devenait une installation qui changeait à tous les jours. Et un élément, là, ben moi j'ai assisté à la performance. C'est un élément qui est quand même essentiel dans toutes ces manœuvres là que tu as fait en transformant l'espace en atelier. C'est également d'avoir brûlé un tas de meubles. Oui, plusieurs meubles que j'ai apportés ont servi à faire une sorte de feu de joie, si on veut. Ça c'était dans mes idées au départ. C'est-à-dire de marquer le passage du temps ou de marquer un peu de ces objets-là qui nous entourent, comment c'est un peu éphémère, finalement, tout ça. Donc, j'avais cette idée d'en brûler quelques-uns. Et puis, ben on est allé quelque part aux alentours de Québec, dans un endroit isolé, puis on a mis feu à des meubles. Puis, cette cendre-là était un matériau que j'ai rapporté en galerie et oui. puis qui a servi pour la performance. Oui, donc ce tas de meubles réduits en cendres qui réfère au titre habiter ses propres cendres a été enfermé dans une espèce de poche de tissu et tu as défait la poche pendant la performance et tu as redisposé certains éléments reconnaissable des meubles dans l'espace. Est-ce que ça s'apparente à une espèce de tentative de recréer une espèce d'esprit des lieux? Oui, c'était en quelque sorte faire un rappel à l'installation qu'il y avait eu préalablement. Peut-être que c'était le moment peut-être le plus nostalgique là, du travail, mm-hmm. mais où ce passage du temps-là évoquait aussi, où cette action-là servait à évoquer l'idée de souvenirs. Et puis des souvenirs qui sont peut-être incomplets, fragmentés, mais qui font quand même partie d'un ensemble, d'un tout. Alors même si on n'a pas l'objet tel qu'il était, mais on en a des morceaux, on habite avec ces objets-là, ils nous appartiennent. Puis ben, c'est ça, ils constituent notre identité en quelque sorte. Donc c'était un peu une façon d'évoquer cette réflexion-là. Donc, l'idée du souvenir, mais si j'ai regardé un peu ta pratique, et puis il y a aussi cette espèce de figure du fantôme qui est un élément récurrent dans ta pratique. Tu as débuté ta performance sous un drap. Évidemment, tout de suite, ça nous évoque les costumes d'enfants de fantômes. Tu t'es aussi réfugié derrière une surface opalescente où tu disparaissais un peu. Et puis, tu vas occuper ces maisons pendant l'absence des résidences d'inconnus. Donc, est-ce que cette idée du fantôme, c'est en quoi c'est significatif dans ton travail de performance? Oh, ça fait longtemps que cette figure-là m'habite en quelque part, et puis à différents degrés, avec différents niveaux d'incarnation. Là, donc, quand on pouvait le voir là, sous le drap, c'était peut-être un peu plus caricatural, puis à d'autres moments dans le projet, comme vous l'évoquez très bien, là, quand j'étais chez les gens, mais cette espèce de présence passive-là, pour moi, c'était une sorte d'incarnation encore de la figure du spectre. Pour moi, c'est encore une fois en lien avec le thème de l'identité, je pense, qui pour moi est assez fondamental. Et puis, c'est-à-dire on a une sorte d'emprise sur notre milieu, sur ce qui nous entoure, puis sur ce qui est notre vie. Si je le ramène à cette idée d'habitat, bien, on organise notre espace domestique en agissant dessus. Or, le fantôme, lui, c'est un peu une figure passive. Il peut seulement observer. Il peut seulement... être témoin des choses. Donc, c'est un peu c'est une des approches là, qui m'intéresse quand je fais l'incarnation du fantôme. Oui, donc un peu la posture que tu occupais en occupant ces résidences. Et puis, une dernière question pour terminer cette entrevue. Il y a aussi la clé, qui était un élément quand même assez prépondérant dans la performance. Donc, tu avais ces clés dans les poches avec lesquelles tu faisais du bruit, mais également donc la clé que tu disposais, c'est difficile à expliquer à la radio, là, mais que tu disposais sous sous une seule patte d'un meuble, une chaise ou un autre meuble, et qui le tenait en équilibre précaire. Et cette notion d'équilibre précaire semble être également un élément que tu travailles beaucoup dans tes performances, donc de tension qui est créée par un équilibre ou par une pression. Mm-hmm. Oui, ben, y a beaucoup de choses dans tout ça. Puis vous faites bien de l'évoquer, cette clé-là. Je pense que c'est un exemple assez juste de comment, par exemple, une de mes observations de chez les gens a pu devenir importante sans que ce soit prévu à l'avance. Je me suis rendu compte à un moment donné que les clés que les gens me laissaient pour rentrer, c'était quelque chose c'était un objet qui était important. C'était pas juste un objet banal, donc c'est un objet qui représentait beaucoup de choses, dont la responsabilité puis l'engagement que j'ai envers ces gens-là, donc la liberté qu'on me laissait par le fait même. Donc la clé est devenue un objet avec lequel, un motif en tout cas, avec lequel j'ai travaillé tout au long par des dessins, par des actions, comme vous l'avez évoqué. Si jamais ça vous intrigue aussi, je parle aux gens qui nous écoutent, mais là, oui. Les meubles en suspension, ben, l'exposition est toujours ouverte jusqu'à dimanche, si jamais vous voulez. Vous m'enlevez les mots de la bouche, Christian Bugeaud, donc jusqu'à dimanche, le 18 février, pour aller voir l'exposition « Habiter ses propres cendres ». Nous avons publié quelques photographies sur notre site web, mais il y en a également qui ont été partagées par le lieu pour avoir une meilleure idée dans quoi consistait cette performance qui a eu lieu jeudi dernier. Merci beaucoup, Christian Bugeaud. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Et nous, on se quitte pour une petite pause audio avec un extrait de Shiver. Alors, c'est avec Andriane Lesage qu'on termine cette émission. Andriane Lesage, tu vas nous parler de tes lectures qui portent sur Giacometti. Oui, exactement. Donc, c'est à l'occasion, en fait, de la rétrospective là, qui a lieu en ce moment au Musée national des beaux-arts du Québec. J'ai eu à travailler un peu là, sur, en fait, les visites commentées en lien avec l'exposition. Donc, ça m'a permis de lire plusieurs ouvrages. Puis, j'ai envie de vous partager un peu mes coups de cœur. Évidemment, il y a énormément d'écrits sur cet artiste-là, qui bien est sûr. Peintre, sculpteur, un des plus célèbres du 20e siècle. Donc, il faut dire que c'est ça. Il y a énormément de littérature sur le sujet. Alors, c'est seulement une sélection là, que moi, j'ai consultée. Et dans cette sélection-là, ben, j'ai refait une sélection pour l'émission. Tout d'abord, ben, ceux qui seraient peut-être là, des adeptes de sources premières, sachez que l'artiste Alberto Giacometti a beaucoup écrit sur son travail. On a aussi beaucoup d'entretiens de lui qui a été fait bon, avec des journalistes, avec des philosophes, avec toutes sortes de personnalités qui ont gravité là, dans le milieu artistique parisien, du milieu là, du 20e 20e siècle. Donc ça, ça a été rassemblé dans un ouvrage? Exactement, rassemblé dans écrits, articles, notes et entretiens. En fait, c'est une nouvelle édition qui a été revue et augmentée aussi en 2008. C'est sous la direction de la Fondation Alberto et Annette Giacometti à Paris que l'ouvrage a paru. Donc c'est la Fondation d'ailleurs qui a coproduit là, l'exposition avec le Musée des Beaux-Arts. Donc c'est un livre qui est très complet. En fait, vous avez au départ là, des repères chronologiques. Ensuite, vous avez les écrits publiés avant 1966. Et parmi ces écrits-là, si j'en ai un à vous suggérer, c'est Le rêve, le sphinx et la mort de T, qui date de 1946, donc tout de suite après la guerre. Juste le titre. Oui. En fait, c'est un texte assez surréaliste dans sa forme où Alberto Giacometti mélange comme trois récits qui s'entrecroisent, puis dans lesquels, bon, il y a un rêve habité d'araignées monstrueuses, mais il y a aussi des références à sa propre vie. Wow. Donc, ça explique aussi un peu les œuvres qu'il va faire là, dans les mois qui suivent. L'année 1947, entre autres, est assez riche en œuvres marquantes de l'artiste. Je pense au nez, je pense à tête sur tige que vous pouvez voir dans l'exposition. Mm-hmm. Donc, si vous lisez ce texte-là, certainement, vous allez pouvoir faire des liens avec ces œuvres-là. Il y a aussi les lettres à Pierre Matisse et feuillets dessinés qui sont surtout datés de 1948, puisqu'il va faire là, sa première exposition solo aux États-Unis. Il faut dire qu'il y avait une relation vraiment particulière avec son galeriste, là, Pierre Matisse. C'était son confident, donc les lettres qu'il lui envoie sont souvent aussi illustrées de croquis de ses œuvres. Donc, il lui fait parvenir comme ça de l'information là, sur sa démarche en cours. Et il y a plusieurs de ces lettres-là aussi qui sont présentées dans l'expo, mais qui sont aussi là, dans l'ouvrage dont je vous parle. Et il y a aussi les écrits qui sont datés d'après 1966, donc après sa mort. Il y en a un peu moins, évidemment. Mais il y en a un assez intéressant qui parle de la jambe, qui est aussi une sculpture présentée dans la rétrospective. En fin d'exposition, oui. Exactement, dans la dernière salle. Et ça, c'est assez intéressant. En fait, c'est un texte qu'on lui avait demandé d'écrire pour expliquer pourquoi il avait sculpté une grosse jambe. Donc, vous aurez votre réponse si vous lisez le texte. Et puis, ça a l'air de quoi, le style littéraire de Giacometti? Je vous dirais qu'il y a quand même, pour quelqu'un dont le français n'est pas sa première langue, là, c'est quand même très... ben très recherché, très imagé, oui, effectivement, on comprend bien ce qu'il veut dire, c'est facile à lire aussi quand même. Donc non, ça se lit assez bien. Des fois, bon, c'est peut-être un peu vieillot par rapport à aujourd'hui, évidemment, c'est un homme quand même d'une autre génération, mais ça se lit très bien. Ah. Vous avez aussi là des entretiens justement qui sont compris dans ce recueil là, entre autres un avec un de ses grands amis, Isaku Yanayara, qui a aussi été un modèle important pour lui. Le japonais dont on retrouve de nombreux portraits peints dans l'exposition. Peints et un buste sculpté, ce qui est assez exceptionnel puisqu'il en existe seulement deux d'ailleurs là, de ce personnage-là. Donc, si je passe là, déjà aussi à une autre catégorie littéraire, si vous avez une biographie à lire sur Alberto Giacometti, moi je vous conseille la toute récente écrite par Catherine Grenier, qui est la directrice de la Fondation là, à Paris, qui est parue en 2017, donc il y a quelques mois seulement. C'est une biographie qui se lit comme un roman. Franchement, là, c'est très, très facile, très accessible et ça n'en est pas moins très riche en informations. C'est d'ailleurs les informations les plus à jour là, qu'on a sur l'artiste. Puis, elle ne va pas être pauvre en anecdotes, c'est-à-dire qu'on va quand même aller dans des sujets un peu plus, j'oserais dire, crunchy, mais tout en restant très loin du sensationnalisme. Donc, ça répond à beaucoup d'interrogations qu'on a, peut-être une petite curiosité, normale, en fait, là, sur l'homme, derrière l'œuvre. Et en plus, je vous dirais que par rapport à l'œuvre de Giacometti, je pense que de l'aborder à travers l'homme, c'est assez intéressant. C'est même peut-être essentiel pour bien comprendre toute une dimension de son travail. Oui, j'imagine, parce que c'est des œuvres qui sont très près de l'humain, et quelque chose de très humaniste aussi dans son approche artistique, de Giacometti. Très personnel aussi, parce que moi, en fait, je connaissais l'œuvre, je connaissais pas l'homme, et j'avais interprété complètement à côté là, son travail. J'avais assez associer ça au contexte là, vraiment de l'époque, l'existentialisme, l'après-guerre, l'espèce de néo-expressionnisme, là, la torture humaine, quelque chose de très tourmenté. Et en découvrant l'homme, c'est quoi les clés de lecture qui te sont venues? En fait, c'est comme tu le dis, c'est encore plus simple que ça. Je pense que c'est vraiment une... Oui, il se questionne sur l'homme, sur son essence, mais c'est vraiment une quête très, très personnelle. Sa démarche n'est pas du tout universelle, même si la réception de ses œuvres l'est. Oui. Donc, c'est vraiment lui ne créait pas pour les autres, il créait pour lui. On va aller rapidement pour oui, la donc fin. Les... Oui. Oui. En fait, je vous conseille aussi là, plusieurs catalogues d'expositions là, que vous pourrez retrouver sur l'artiste, dont un qui a été publié expressément pour l'expo, et plusieurs textes qui ont été écrits par des artistes ou des personnalités, encore une fois, du milieu artistique, donc, qui ont posé pour lui, des amis proches. Dans là. Le catalogue d'exposition, c'est celui qui est produit par le Musée des Beaux-Arts, c'est ça qui est édité par le Musée des Beaux-Arts? Celui qui est publié par le Musée des Beaux-Arts, vous avez un entretien seulement mm-hmm. qui est dedans, mais je vous conseillerais plutôt, si vous êtes amateur là, de vérité historique et tout mm-hmm. ça, d'aller vers des ouvrages comme Jean Genet, l'atelier d'Alberto oui, Giacometti. Que j'ai lu en oui, fait parce que ça. Quand tu m'as parlé de livres sur Giacometti, moi j'ai fait, mais j'en ai un chez nous, Jean Genet que mon père m'a donné et qui est un livre c'est du Jean Genet donc c'est assez c'est comme des fragments. Jean Genet a posé pour Giacometti donc il est allé durant plusieurs années, visiter l'artiste Giacometti qui s'entourait beaucoup de littéraires et d'intellectuels. Oui. Et donc, on a des fragments qui vont avoir des réflexions très phénoménologiques de Genet lui-même par rapport à sa perception des œuvres et des fragments de discussion entre lui et Giacometti, des fragments de tranches de vie, donc autobiographiques aussi. Et c'est illustré aussi par une trentaine de photographies noires et blanc qui nous plongent dans l'atelier de Giacometti. Donc, c'est assez intéressant. Puis ça se lit, c'est une petite tablette, donc ça se lit très, très, très, très bien. Je te le prête, Andréane Lesage. Merci, c'est gentil. nous, on va se quitter pour une pause audio. Merci beaucoup, Andréane. Et on revient avec l'agenda de la semaine. Alors, c'était la pièce After Red, toujours de l'artiste King Shi, qui nous est proposée cette semaine par Simon Roy. Donc, pour l'agenda de la semaine, cette semaine, évidemment, c'est une semaine qui est bien habitée par le mois multi. Jeudi, le 15 février, il va y avoir à l'œil de poisson une conférence et performance de Julien Maire, donc intitulée Daisy Chain. Donc le 15 février à 20h et également vendredi à 19h, cette performance, conférence. Donc vous avez deux options pour pouvoir aller voir l'artiste en conférence. Ensuite, vous allez avoir au quartier général du mois multi, Julien Classe et Emma Loriot qui présentent Météo Mondial, donc dès 21h30, jeudi encore. Et ça va être un soir de vernissage. Donc, d'abord à la Galerie des arts visuels Suitable Den de Graham Peterson dans le cadre du mois multi. Du côté de la Chambre Blanche, il va y avoir le vernissage de Pavitra Wickramasinghe, Coral Bones. Et au studio d'Avatar, le vernissage de Christian Scott Inclination. Et ensuite, dans les espaces de Méduse, donc au studio d'essai, ça va être le vernissage de l'installation Éther, toujours de l'artiste Christian Scott, et de la poussée de Camille Bernard Gravel, l'artiste de Québec que nous avons déjà reçu à l'émission. Également, Vibrant Mother de Els Vianney. Donc, on vous revoit la semaine prochaine pour l'aérospatiale sur les ondes de CKRL. Et de l'autre côté de la pause, vous allez retrouver Pierre Blais et son équipe pour discuter cinéma à l'émission Situation Critique. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. ckrl.qc.ca. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. 4 fois radio communautaire de l'année aux rencontres de la disque depuis 2010. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. L'Association canadienne pour la santé mentale filiale de Québec. Antitube. La Maison des femmes de Québec. Salle Albert Rousseau. L'Association pour la défense des droits sociaux, Québec Métro. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Depuis 10 ans, Première Ovation présente les artistes émergents de Québec. Dans son exposition Sport et loisirs, l'artiste Isabelle Dionne rend hommage à des activités populaires. Tennis, pétanque et soccer traversent la série d'estampes grand format, ludiques et colorées. Sport et loisirs est présenté du 2 au 28 février à la bibliothèque Claire Martin, 755 rue Saint-Jean, à Québec. 3, 2, à découvrir sur la fabrique culturelle. Je ne me suis pas beaucoup documenté justement sur le théâtre documentaire, mais j'avais une intuition que d'entendre la parole de gens ordinaires sur scène, ça pouvait être intéressant. Un portrait sur le collectif Nous sommes ici. Dans le collectif, on a eu la décision commune de mettre les projets d'Alexandre de l'avant parce que c'est vraiment lui l'idéateur principal qui arrive toujours avec des millions d'idées. Nous sommes ici. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. La Bourse Rideau, le plus important rendez-vous francophone des professionnels des arts de la scène en Amérique, a lieu cette semaine à Québec. D'abord réservé aux professionnels du spectacle, l'événement vous ouvre ses portes pour certains spectacles gratuits, et ce dans plusieurs salles de Québec, dont l'Air du Temps et le bar Le Détour du Grand Théâtre, dès 23h. Venez voir Stéphane Moraille, The Astronauts, Caracol, Africana Soul Sister, Clément Jacques, Beat Market, Mathieu Cyr, Olivier Martineau et autres. Réservez vos places dès maintenant en vous rendant à la billetterie des salles participantes ou consultez le site sur rideau-inc.qc.ca. Écoute, là. Écoute-moi bien, là. Le travail, ça soigne l'ennui. Puis ça éloigne les mauvaises pensées. Puis surtout, frère, surtout, ça donne des 30 sous. André Forcier, 50 ans de cinéma au Musée national des beaux-arts du Québec, dimanche le 18 février à 14h. Une projection du classique Au clair de la lune aura lieu à cette occasion et sera suivie d'une classe de maître donnée par André Forcier. 13 février.